Jericho. Jericho. Jericho. On est fils de Jericho. Jericho. Jericho. Une ville nommée Jericho. On a un jour anéanti. Parce que les murs de Jericho. Jericho. Jericho. N'ont pas pu résister à l'écho des trompettes et des cris. Il faut mon cœur pour tous les deux nous bâtir. Un grand bonheur, rien ne pourra détruire. Et pierre à pierre, construirons notre tour. Sur cette terre, le ciment de l'amour. Il n'est rien resté de Jericho, Jericho, Jericho. Il n'est rien resté de Jericho, mais notre amour est plus fort. Plus fort que les murs de Jericho, Jericho. Jericho, je veux t'aimer plus encore. Il faut mon cœur pouvoir tout résister à la rancœur, jalousie des mal-aimés. Pour les tambours, les trompettes sonneront. Pour les beaux jours, tous les deux nous verrons. Jericho, Jericho. Jericho, on a un jour à néant. Notre amour plus fort que Jericho, Jericho, Jericho, deviendra dans un élan nouveau un cri de joie qui retentit, un cri de joie qui retentit.